Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage, produite par Richard Federman. La véritable sagesse n'est pas une assurance tout risque, peut-être est-elle une espèce d'ouvre-boîte de la connaissance. Ainsi, elle se différencierait de la vérité, de l'erreur ou de l'ignorance. C'est un espace de recherche joyeux et libre que je vous invite à vivre maintenant. Message de vie. Donnez à comprendre. Donnez à comprendre. Plus à mes seuls. Voyage intérieur. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Que connaissons-nous de notre intelligence émotionnelle et relationnelle? Que ressentez-vous lorsque vous êtes en contact avec vos peurs, vos épreuves ou vos succès? La plupart du temps, l'éducation que nous avons reçue n'a pas été basée sur la connaissance de soi. Elle a même souvent consisté à empêcher cette connaissance et le temps passant, nous pouvons ressentir le manque de ce soi méconnu. La scolarité, depuis le début, enseigne plutôt l'esprit de compétition et ne promeut comme seul développement que celui de la stricte fonction intellectuelle. Qu'enseigne-t-elle du ressenti ? Si l'enseignement se centre sur les savoirs, qu'en est-il de la dimension de l'être ? Comment les parents pourraient-ils mettre l'enfant en contact avec son ressenti alors qu'eux-mêmes sont la plupart du temps coupés de leur propre vie intérieure ? Il est urgent d'apprendre à nommer, à identifier, à comprendre, à exprimer ses émotions positivement, sous peine d'en devenir esclave, pour le bonheur de nos enfants et des adultes qu'ils deviendront. Les émotions, l'émotivité, la prise de parole en public, elle connaît bien. À ce jour, elle est l'auteur de 23 livres, dont un best-seller, L'intelligence du cœur, dans le domaine de la parentalité. Voici, sans plus attendre, la psychothérapeute, écrivaine et conférencière, Isabelle Filioza. Que connaissons-nous de nos émotions ? Que connaissons-nous de la peur, de la joie et de la colère ? Que connaissons-nous de notre intelligence émotionnelle et relationnelle ? Ah là là, on connaît. En fait, on a l'impression de connaître beaucoup de choses et c'est vrai que quelque part on connaît tout ça puisque ça nous habite, puisque tous les humains éprouvent des émotions. Mais connaître le vivre, oui, forcément, mais connaître au sens que donner sens, au sens de maîtriser ça beaucoup moins. En fait, nous n'avons rien appris à l'école sur comment on gère une colère. Qu'est-ce que c'est qu'une colère ? À quoi ça sert ? On ne sait même pas faire la différence entre une colère affirmation de soi et une colère brutalité, une colère violence. On ne sait pas à quoi sert la tristesse. On nous a juste dit « sèche tes larmes »,« oh, tu dois être fort », etc. Et donc, on a très très peu d'informations sur les émotions. À l'école maternelle, on devrait nourrir nos intelligences émotionnelles et relationnelles, mais en réalité, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose là-dessus. On écoute de plus en plus les émotions des enfants, mais pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment d'informations. Avant d'écouter les enfants, est-ce qu'on s'écoute soi-même ? Oui, bien sûr, c'est le problème, c'est qu'on ne sait souvent pas exactement ce qu'on doit écouter chez les enfants, ni chez soi-même. Nous ne savons pas bien identifier ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe donc forcément à faire théorie. C'est difficile de savoir ce qui se passe pour les enfants. Et donc, nous avons tendance à écouter un peu n'importe comment parce qu'on nous a dit qu'il fallait écouter les émotions. Il y a eu toute une période où on nous disait « les émotions, c'est le chaos, les émotions, il faut absolument les réprimer, il ne faut pas exprimer ses émotions, etc. Les émotions, c'est pour les femmes, c'est un truc, c'est affectif, contrairement à ce qui serait rationnel. » Et donc, pendant toute une période, on nous disait, si on est dans l'émotion, on n'est pas dans la logique. Isabelle Filioza. Et puis, les scientifiques sont venus balayer toutes nos idées reçues là-dessus et nous ont dit, si, pour être vraiment rationnel, nous avons besoin de nos émotions. Les émotions font partie intégrante de notre équipement cérébral et elles sont absolument nécessaires, par exemple, pour décider. Quelqu'un qui n'a plus une zone émotionnelle fonctionnelle n'est plus capable de prendre des décisions saines, logiques, et approprié. Et donc, ne serait-ce que savoir choisir qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que j'aime moins, tout cela, ça repose sur nos émotions. Donc, depuis quelque temps, on nous dit un peu partout, exprimons les émotions, écoutons les émotions. Mais comme nous n'avons que très très peu d'informations sur ce que c'est, nous ne savons pas très bien quoi faire. Et donc quand un enfant se met à pleurer, à crier, à hurler dans un supermarché, eh ben, on peut avoir tendance à lui dire « Ah ben, je comprends que tu ne sois pas content parce que je ne te donne pas le bonbon que tu veux », alors que ça n'a probablement rien à voir du tout. C'est-à-dire que pour pouvoir faire preuve d'une véritable empathie, pour véritablement écouter, entendre ce que exprime l'enfant, eh bien nous avons à comprendre ce qui se passe pour lui. Et pour ça, il nous faut un petit peu plus d'informations sur ce que sont toutes ces émotions. On ne peut pas détecter cette information de l'enfant si on est stressé, puisque le stress est une barrière à la compréhension. Mais vous avez trouvé le mot juste, Richard. C'est exactement ça, c'est le stress. En fait, l'enfant qui hurle dans le supermarché, il hurle pas du tout parce qu'il est furieux, il hurle parce qu'il est juste complètement sous stress. Et bien sûr que sa réaction de stress nous met nous-mêmes sous stress. Nous sommes déjà sous stress. C'est pour ça aussi que lui, il éclate. C'est parce que nous étions tendus, stressés. Qu'est-ce qu'il faut que j'oublie pas ici, machin, etc. On fait nos courses rapidement en se disant, oh, pourvu que personne ne voit que je suis un mauvais parent. Bref, ce stress est déjà majeur. Et du coup, l'enfant est stressé aussi. À un moment, son cerveau sature, il se met à éclabousser de partout, à hurler. Et bien sûr, nous, ça nous met sous stress et ça nous rend encore plus incapables de gérer les choses. Et donc oui, la première chose que nous avons à apprendre, avant même d'apprendre à réguler nos émotions, nous avons besoin d'apprendre à réguler notre stress, à calmer notre amygdale, cette petite zone dans le cerveau qui dirige les réactions de stress. Calmer l'amygdale, hein, être capable de souffler, retrouver le contact avec soi-même, récupérer son cerveau en entier, parce que finalement, quand il se passe quelque chose d'un petit peu, qui sort de l'ordinaire, hein, quand nos enfants disjonctent ou quand ça déborde, eh bien, hop, on dirait qu'on perd notre cerveau, on perd nos compétences, là, on oublie tout et on se met juste à hurler, on craque, on est sous stress nous aussi. Et donc, hop, comment arriver à récupérer la conscience de nous-mêmes, planter nos pieds sur le sol, respirer, expirer plus exactement, parce que quelquefois quand je dis respirer, les gens se mettent à prendre de grandes inspirations et ça va juste nous exciter encore plus. Donc expirer, souffler, on peut compter, on peut boire un verre d'eau, on peut regarder de la nature par la fenêtre. Si on n'a pas de nature par la fenêtre, eh bien au moins une plante verte ou même la couleur verte chez soi sur les murs, ça suffit déjà pour nous calmer un petit peu. Message de vie, donner à comprendre. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES, plus loin, sage. Aujourd'hui le thème, comment les parents pourraient-ils mettre l'enfant en contact avec son ressenti? Avec une spécialiste, et pas des moindres, Isabelle Filiosa. Oui, mais alors, c'est une bonne idée, mais quand tu es dans le supermarché, parce que tu donnais l'exemple du supermarché tout à l'heure... Tu vas faire la position de Bouddha sur le caddie pour te calmer, parce que c'est pas évident d'avoir une technique de relaxation au moment où il y a l'action. Nous avons besoin de techniques ultra simples. Il suffit de sentir le contact de ses pieds sur le sol. Ça demande rien du tout. Simplement, je sens le contact de mes pieds sur le sol. Je peux aussi sentir, puisque j'ai la main sur le caddie, le contact que me procure le manche du caddie dans la main. C'est-à-dire que c'est très important de ne pas serrer la poignée du caddie, mais de sentir le contact. On peut bouger légèrement la main, peut-être même aller sur les grilles du caddie, là où c'est un peu froid, parce que ça va nous procurer des sensations. La simple fait de diriger notre attention vers des sensations physiques, corporelles, dans la main, ou mieux dans le pied, parce que c'est encore plus loin du cerveau, ça va calmer la médaille, ça calme, ça ralentit le rythme cardiaque automatiquement. Une autre chose qu'on peut faire, c'est saisir l'enfant et le prendre dans ses bras et lui faire un câlin. Nous, ça nous calme, et lui aussi. Tous les enfants aiment les câlins ? Tous les enfants aiment les câlins et ont besoin de câlins. Après, ils peuvent refuser le câlin sur le moment, forcément. C'est-à-dire que s'il est sous stress, hein, l'enfant, la première réaction qu'il va avoir quand on va le saisir et le prendre dans les bras, c'est déjà de nous rejeter. C'est juste naturel, puisque c'est la réaction suivante de stress. Après la réaction d'agression, hop, il va repousser, essayer de fuir, essayer d'esquiver. C'est juste la réaction suivante. Ça montre qu'il est sous stress et que c'est ce dont il a besoin. Donc là, on a deux options. En fonction de l'enfant, de ce que nous connaissons de lui et du niveau de stress dans lequel il est, soit nous le gardons dans les bras, et nous lui parlons, nous sommes plus tendres encore, et vraiment, hop, tout doucement, on fait que... au début, il se débat, et puis, hop, rapidement, il se laisse aller, il pleure, et il fait un câlin. Ou alors, on lui propose de sauter sur place, on lui propose de courir très très vite autour du rayon pour pouvoir... tu cours trois fois autour du rayon, parce que... Le stress a besoin de sortir du corps. En fait, le stress, c'est pas juste dans la tête, c'est corporel. Ce sont des hormones, adrénaline, cortisol, dans le corps. Et donc, ces hormones ont besoin d'être utilisées. Cette mobilisation énergétique qu'il y a dans le corps a besoin d'être utilisée. Et donc, si on fait courir l'enfant, si on le fait sauter dans certains endroits, il y a des piscines de balles, hop, saute dans la piscine de balles. S'il pouvait y avoir des petites trampolines dans tous les supermarchés, ce serait génial. Ça permettrait aux enfants de sortir un petit peu toutes ces tensions à l'intérieur. Pourquoi les enfants ont plus de stress que les adultes de naissance ? Ils n'ont pas plus de stress, mais ils ont des cerveaux moins capables de le réguler. Nous avons un cerveau qui est toute une zone cérébrale qui nous aide à inhiber les comportements, qui nous aide à réfléchir, qui nous aide à différer quelque chose pour pouvoir aller plus loin. Et puis, nous savons que nous voulons faire nos courses, etc. Nous avons toutes sortes d'informations et capacités d'avoir toutes ces informations dans notre tête. Les enfants, non. Leur système émotionnel est comme le nôtre, pas plus fort, mais ils n'ont pas les capacités de régulation encore. Donc forcément, eh bien, quand l'émotion est excitée, quand le stress est présent, ils n'ont pas les capacités de régulation de stress. Et à quel âge ils commencent à avoir les outils pour pouvoir se protéger ? Petit à petit, hein, avant 2 ans, un enfant ne peut absolument pas inhiber ses comportements. À partir de 3 ans, il commence à être capable de faire si on lui donne des outils pour le faire. Et petit à petit, ça va se construire. Le cerveau termine de se construire à 28 ans. Donc, à 28 ans, on a vraiment un cerveau normalement en bon état, s'il n'a pas été abîmé par la pollution ou même par un peu trop de violence reçue dans l'enfance. Message de vie, donné à comprendre. C'est quoi la musique ? C'est du son qui se parfume. C'est quoi l'émotion ? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment ? Un baiser invisible. Et la nostalgie ? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance ? C'est du temps que l'on sème. C'est quoi le bon temps ? c'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. M'a dit papa, la vie, c'est quoi? Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est un fantôme qui flâne. Et la routine? Les envies qui se fanent. C'est quoi l'essentiel? C'est de toujours y croire. Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire. C'est quoi un sourire? C'est du vent dans les voiles. Et la poésie? Une épuisette à étoiles. C'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi le racisme? Une infirmité du cœur. C'est quoi l'amitié? C'est une île au trésor. Et l'école buissonnière? Accroche pas ta Pythagore. C'est quoi la sagesse? C'est Tintin au Tibet. Et c'est quoi le bonheur? C'est maintenant ou jamais. M'a dit papa, la vie, c'est quoi? Petit, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là, la vie est là. Message de vie, donné à comprendre. La vie est là, avec l'intelligence du cœur dans le domaine de la parentalité, avec Isabelle Filioza. Comment tu sais, toi, par ton expérience, qu'un parent est à tous les outils, parce qu'il y a des parents qui, eux-mêmes, étant enfants, ont été battus ou ont eu des émotions brisées. Je ne sais pas, Richard, que tous les enfants, que les parents ont tous les outils. Aucun parent n'a tous les outils. Je n'avais pas tous les outils. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir tous les outils. On n'aura jamais tous les outils. Tous les jours, j'apprends des nouvelles informations. J'ai appris avant-hier les raisons pour lesquelles ma fille, tout bébé, a tellement pleuré et avait tellement de mal à dormir. Avant-hier. C'était quoi? Eh bien, ma fille est née par césarienne. Et je ne savais pas qu'il y a une hormone dans notre cerveau, un neuromédiateur qui s'appelle le GABA. Le GABA est inhibiteur. Et donc, il nous permet d'inhiber nos comportements, il nous aide à nous endormir, il aide à ralentir en quelque sorte. Or, ma fille est née par césarienne, et quelle différence entre une césarienne et une naissance par voie naturelle? C'est la quantité d'ocytocine. Mais tout ça devient intéressant seulement quand on sait que le GABA est inhibiteur chez les gens qui sont nés, mais chez un fœtus, il est excitateur. Donc, le neuromédiateur GABA dans le cerveau d'un fœtus est excitateur. Pendant l'accouchement, avec les doses massives d'ocytocine, l'ocytocine se lie avec le GABA et transforme le GABA en un neuromédiateur inhibiteur. Et du coup, un enfant qui naît par césarienne ne reçoit pas les énormes doses d'ocytocine que reçoit un bébé qui naît par voie normale. Quand ils naissent par voie normale, ils sont un peu groggy comme ça. On croit que c'est parce que ça a été dur. C'est aussi surtout parce qu'ils sont complètement plein d'ocytocine et d'hormones qui leur permettent de ne pas sentir la douleur, etc. Donc ils sont un peu groggy et ça dure 4-5 jours. Donc ils dorment pas mal, etc. Tandis qu'un bébé né par césarienne, ma fille, hop, elle était tout de suite super éveillée. Moi, j'étais toute fière que ma fille soit éveillée, les petits yeux écarquillés, etc. Mais en fait, c'était un problème. Et elle avait beaucoup de mal à s'endormir. Elle avait beaucoup de mal à elle était souvent mal. Et elle hurlait parce qu'elle était trop stimulée. Et donc, ça, je ne savais pas. Et donc, voilà, maintenant, elle a 24 ans. Et je ne savais pas ça à l'époque. On apprend des choses tous les jours. C'est quoi l'ocytocine? L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est l'hormone de la relation. C'est l'hormone qui permet de calmer. C'est une hormone qui sert à énormément, énormément de choses. Elle le déclenche. Elle est très, très utilisée dans le... au moment où l'enfant sort du ventre de la maman, elle est aussi transmise dans l'allaitement. C'est une hormone qui à la fois calme et oriente vers l'autre. C'est-à-dire que l'ocytocine, quand on a de l'ocytocine en tant que maman à l'intérieur de soi, eh bien, on regarde l'enfant, on va s'attacher beaucoup plus facilement à l'enfant. Si on n'a pas assez d'ocytocine, on ne va pas s'attacher à l'enfant. Donc c'est des deux côtés, et du côté de la mère, et du côté du bébé, et du côté du père bien sûr aussi. Plus on a d'ocytocine, plus on s'intéresse les uns aux autres, plus on est dans la compassion, dans l'attachement. Et l'ocytocine finalement, ça peut être un regard, ça peut être une caresse, ça peut être juste simplement une bienveillance. Non, alors finalement l'ocytocine rend intelligent. Exactement Richard, tout à fait. Et c'est vrai qu'un regard suffit à déclencher une sécrétion d'ocytocine. Alors quand on regarde les gens dans la rue, des fois ils me disent « Mais pourquoi ils me regardent comme ça? Qu'est-ce que j'ai ?» Et oui, et donc le problème c'est que nous sommes sous stress principalement. Et quand tu parles de train, tu parles de métro, etc. Quand on est dans le métro et qu'il y a un inconnu qui nous regarde, ça excite notre système de stress immédiatement, notre amygdale est « Ah !» Et donc tout de suite j'interprète « Il me veut du mal !» Voilà, on panique tout de suite, le stress... Exactement, le stress domine. Coupe l'ocytocine. Il coupe tout, il coupe l'accès à d'autres zones. Et le stress c'est normal, on va d'abord se protéger du danger. Et donc, il paraît qu'il y a du bon stress. C'est quoi le bon stress? Le bon stress, c'est le stress positif. Le bon stress, c'est... parce que le stress, c'est l'effort d'adaptation de l'organisme. Donc le stress, il est bon en essence. Le problème, c'est l'accumulation. Et nous vivons dans un monde où il y a tellement de bruit, de lumière, de sollicitations, de stimuli divers et variés que c'est très très difficile. Le bon stress, c'est quand on a un challenge, qu'on veut atteindre quelque chose. On sait qu'on a tel objectif et donc on se défonce, on va mobiliser, on est tendu parce que est-ce que je vais y arriver? Mais oui, on va y arriver. Et donc ça, c'est du bon stress. C'est le stress qui nous mène, qui nous porte. Cette énergie qui nous porte. Parce que les gens qui ont des super bons résultats, les gens qui battent les records, ils ne battent pas leurs records quand ils sont tout seuls en train de faire des répétitions. Ils battent leur record quand il y a un stade plein qui les ovationne autour d'eux. Ils battent leur record quand il y a un maximum de stress. Le stress nous donne l'énergie de pouvoir réagir. Ça, c'est du bon stress. Après, quand c'est trop, c'est trop. Et donc, du coup, ça devient du mauvais stress. Quoi, le trop de stress? C'est le stress qui m'aide, le stress qui me soutient et le stress qui m'aide à aller dans la direction où je veux aller. Et le stress qui ne me convient pas, c'est celle qui m'oppresse. C'est à chaque fois que quelqu'un me domine, c'est à chaque fois que je n'ai pas ma liberté. Chaque fois que nous sommes hors connexion, hors relation ou hors liberté, eh bien, nous risquons d'être dans un stress qui va être nocif pour nous. Juste justement, alors, on vient de définir le stress sur deux manières. Les émotions viennent mettre une teinte, c'est-à-dire... Exactement, voilà. Tu as tout compris. La définition du stress, c'est une réaction d'adaptation de l'organisme à toute sollicitation. C'est une réaction non spécifique. L'émotion est une relation spécifique. Donc en fait, exactement ce que tu viens de dire, c'est l'émotion donne une teinte au stress. C'est le même stress, c'est du stress que tu vives de la joie ou que tu vives de la terreur, mais c'est parce que c'est à chaque fois une adaptation. Mais évidemment, pour la joie c'est de le stress, pour la terreur c'est de la détresse. Message de vie, donné à comprendre. Si je souris à quelqu'un, ça me donne de l'ocytocine à moi-même. Si l'autre ne sourit pas quand même. Ocytocine, dopamine, oui. Sérotonine, voilà les bonnes hormones pour moi-même, qui si nous permettent. Sans attendre tout à fait, ça c'est vrai. Tout à fait. C'est pour ça que les enfants répondent très vite au sourire. Ils ont compris ça très tôt, en fin de compte. Les enfants répondent à tout, en fait. Et donc, si on regarde l'enfant en faisant une grimace, en fronçant les sourcils, on déclenche le stress dans son corps. Si on lui fait un sourire, on déclenche le sourire sur son visage, tout à fait. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Thank you. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES, plus loin sage. Nous allons retrouver Isabelle Filioza. Si nos gènes sont influencés par notre environnement, l'épigénétique pourrait-elle réparer l'expression des émotions? C'est ça, c'est pas si nouveau que ça l'épigénétique, hein, mais c'est vrai que pendant trop longtemps, on a cru que nous étions déterminés par nos gènes. Donc après, on s'est rendu compte que le génome était là, ok, c'est une carte. Maintenant, les gènes vont s'exprimer ou non en fonction de l'environnement. Et nous avons toutes sortes de protéines qui vont s'enrouler autour des gènes et qui vont permettre à certains gènes de s'exprimer ou qui vont inhiber certains gènes. Et l'épigénétique, c'est tout ça. C'est tout le rôle de l'environnement qui va moduler l'expression des gènes. Mais non seulement on sait aujourd'hui donc, que l'épigénétique joue un grand rôle, ce qui fait que toutes les anciennes discussions sur c'est inné, c'est acquis, tout ça est tombé par terre, parce que rien n'est ni inné ni acquis, tout est épigénétique, c'est-à-dire une interrelation entre l'environnement et la génétique. Mais ce qui est un peu plus nouveau, c'est que nous savons maintenant que l'environnement impacte les gènes et que ça se transmet sur plusieurs générations. C'est-à-dire que non seulement, ce n'est pas parce que nous avons un gène comme ci, comme ça, que nous allons forcément le développer dans la vie, mais quel que soit le gène de base, si nous subissons de la violence, par exemple, notre gène va être abîmé. Et un gène abîmé, nous allons le transmettre à nos enfants. Et donc, nous savons aujourd'hui ce qui a été ridiculisé à l'époque, l'idée de Lamarck sur l'hérédité des caractères acquis. Eh bien oui, certains caractères acquis peuvent être transmis. Et on peut changer nos gènes au courant oui, de... Oui, bien sûr. Puisqu'on montrer mon émotion. Puisqu'on abîme dans un sens, on peut les changer dans un sens, ça veut dire, la bonne nouvelle, qu'on peut les changer dans l'autre sens. Tout à fait. Nous ne sommes pas soumis à notre génétique. Alors, on est soumis quand même, on ne va jamais pouvoir passer des yeux marrons aux yeux bleus directement comme ça, voilà. Mais les gènes qui sont abîmés, les gènes qui ont perdu un peu, ce qu'on appelle ça les télomères, c'est la branche sur le chromosome qui a pu être altéré, eh bien ça peut repousser, ça peut se réparer par différentes choses. L'expression des émotions, ça aussi c'est assez nouveau, mais il a été démontré que l'expression des émotions pouvait permettre la réparation des gènes. Donc l'expression des émotions, ce qui permet aussi de réparer la génétique, c'est l'alimentation. Nous avons besoin d'une bonne alimentation qui soutienne le développement et qui soutienne la synthèse de protéines, etc. et qui ne soit pas inflammatoire. Donc, toutes les protéines inflammatoires, il faut vraiment diminuer, c'est-à-dire les blés de maintenant, tout ce qui est le gluten et d'autres protéines inflammatoires. En fait, chacun va être plus ou moins sensible à ceci ou cela. Nous avons besoin d'augmenter les huiles oméga-3. On en a beaucoup parlé, mais c'est une réalité. On le sait aujourd'hui, scientifiquement, pour pouvoir réparer le cerveau et pour pouvoir réparer nos gènes, nous avons besoin de boire de la bonne eau, nous avons besoin de manger des oméga-3, nous avons besoin de manger ce dont nous de rééquilibrer notre flore intestinale. Nous avons vraiment besoin de retrouver un environnement sain pour pouvoir fournir à nos gènes les bases qui lui permettent de se reconstruire, quoi, finalement. Si on a eu une enfance difficile, on peut modifier notre vie en changeant nos gènes, parce qu'on dit souvent que c'est héréditaire, c'est culturel. Tout à fait. Alors que cela ne donne pas aux parents la permission de frapper leurs enfants et d'exercer toutes sortes de violences sur leurs enfants sous prétexte que ça se répare. Non, bien sûr ça se répare, mais c'est quand même difficile à réparer et très très long à réparer. Il y a des choses qui se réparent plus facilement que d'autres. On sait qu'un viol va être inscrit dans les gènes. Mais on sait aussi que ça peut se réparer. Mais ça prend du temps pour réparer. Et donc, évitons de blesser nos enfants. Par contre, si nous-mêmes nous avons été blessés dans notre histoire, eh bien, sachons que oui, ça peut se réparer et que la voie, elle passe par une reconnaissance de ce qui s'est passé, les yeux ouverts. Il ne s'agit pas de minimiser, il ne s'agit pas de dire « c'était pas grave », ni même « c'était absolument dramatique », c'était ce que c'était. Je le regarde, je revis les émotions que j'ai éprouvées à ce moment-là, avec la puissance que ça a eue. Je revis la terreur, le dégoût, la honte, je revis tout cela, pas tout seul, avec un psychothérapeute présent qui sait m'accompagner dans toutes ces émotions. Et en libérant ces émotions, je vais petit à petit retrouver le contact avec moi-même et mes gènes vont pouvoir se reconstruire. Donc là, on rentre dans la colère, la réparation des gènes. Et d'accepter, c'est de ne pas tomber dans la colère et de parler du véhicule corporel. Toi, tu es pour la colère ? Ah oui, la colère est fondamentale, la colère est nécessaire. La saine colère, la colère qui dit stop, qui dit je. La colère, c'est l'énergie de réparation. On a trop voulu étouffer la colère parce qu'on l'a confondue avec la violence. Mais la colère, c'est l'affirmation de soi. C'est l'énergie de réparation et c'est ce qui permet l'équilibre entre deux personnes. Lorsque dans un couple, il y en a un qui ne se met jamais en colère, eh bien, il y en a un qui domine l'autre. On a besoin de la colère, parce que la colère, elle définit l'espace, elle définit nos frontières, elle définit qui nous sommes, elle nous permet de sentir « Ah, ça, c'est moi !» Elle définit l'identité. Quand on n'a pas accès à sa colère, et notamment quand on n'a pas accès à la colère envers nos parents, eh bien, du coup, on reste soumis à leur impact. Et du coup, on ne peut pas se guérir. La colère est nécessaire pour guérir. La colère envers les parents est absolument nécessaire pour guérir. Par contre, on ne s'enferme pas dans la colère. Si on s'enferme dans la colère pendant 2, 3, 4 ans, et oh, oui, je suis en colère contre mes parents, à ce moment-là, ce n'est plus de la colère, c'est de la violence, c'est de la rancœur. Et ça, ça alimente comme ça, on tourne en rond, ça ne sert à rien. Ce dont on a besoin, c'est de retrouver une saine colère. Vivre les excès de colère dans le cabinet d'un psychothérapeute, d'un psychopraticien, écrire une lettre à nos parents, les rencontrer peut-être pour se faire entendre, pour viser une réconciliation éventuellement. Et puis, à ce moment-là, une fois qu'on a exprimé la colère, on en est libéré. La colère, elle se libère quand on l'exprime. La rancœur, plus on l'exprime, plus elle augmente. Libérons-nous de nos rancœurs et libérons-nous des colères, mais on se libère des colères en les exprimant sainement, sans violence. Oui, donc une colère, c'est l'émotion. Et comme on dit souvent, tu te mets en colère, donc je ne peux pas parler avec toi. Alors que c'est une légitime défense, c'est une moyen alors, oui et non, c'est une émotion. Parce que tu te mets en colère, ça veut dire que la personne se met en colère. Si elle se met en colère, c'est un jeu de pouvoir. Soit tu es en colère et c'est de l'émotion. Tu ressens de la colère, tu éprouves de la colère, c'est de l'émotion. Mais si la personne doit se mettre en colère, ça veut dire qu'elle n'est pas en colère, elle s'y met. Donc elle joue un jeu de pouvoir. Et à ce moment-là, effectivement, pas la peine de parler avec elle. Comment tu vois la nuance ? Tu la distingues comment à la voix ? Tu la distingues à la voix, tu la distingues à ce que tu ressens en face. Parce que dans la relation, si tu te sens confortable, c'est-à-dire quand c'est une vraie émotion, en général, on se sent confortable avec l'émotion de l'autre. Dès qu'on sent quelque chose qui est, ça va pas, je sais pas comment réaliser, je sais pas comment réagir, c'est probablement un jeu de pouvoir. Est-ce que tu es une femme heureuse ? Oui. Oui, je suis une femme heureuse. Je voulais finir avec une note positive. Oui, je suis une femme heureuse. Je vis avec un homme merveilleux et on s'aime de plus en plus. On nous a dit que l'amour, ça usait et tout. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est plus on s'aime. Et donc, c'est vraiment super agréable. Ma fille vient d'être diplômée à l'université de Maastricht. Et donc, je vais bientôt la retrouver. Elle rentre de Hollande. Et puis, mon fils vit à Sydney pour l'instant. Et il s'épanouit beaucoup, lui aussi, sur le sol australien. Et je le retrouve en juillet prochain. Isabelle Filiosa a écrit 23 livres sur la parentalité et compte tenu de l'engouement suscité par ses livres, elle a créé les ateliers Filiosa un peu partout en France pour découvrir l'approche empathique au cœur des émotions de l'enfant. Son site isabellefiliosa.net. Je vous invite à réécouter nos émissions sur ce même sujet sur notre site richardfederman.com avec André Stern, Isabelle Padovani, Isabelle Peloux, Mathieu Ricard, Ilios Koutsou et j'en citerai encore plein d'autres. Mais pour ma part, je vous retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien. Bye.